demande comment vivre dans la promesse de ton amour. Un amour qui me dise qu'il luttera pour moi comme je lutte jusqu'au bout pour toi. Un amour qui avoue le mot amour sans l'ombre d'une honte, sans comparer les souvenirs amers qui ne blâment pas mon histoire, ni ne craignent mes délires qui atteignent les étoiles. Quand les dieux nous auront choisi, qui abandonne la carapace? Des habitudes et des complicités, et mêle ses dessins au mien. Un amour infini comme le mien. Complicité et mêle ses dessins.